une maison qui respire et qui tremble au recoin à foison pour s'y cacher ensemble, pour y vivre à demeure dans une autre dimension, dans un futur intérieur, un monde où nous nous aimerions. Une bâtisse telle un château, maudite des dieux et des diables, avec des tentures, des rideaux et un grand lit instable. Un vieux parquet sans âge qui frémit de toutes ses lattes, recèle en mille et un outrage qui gémissent et qui grattent. Une multitude de portes qui sur toi sourirait toujours, suivie d'une joyeuse cohorte d'enfants au cœur plein d'amour. Demain à ma fenêtre, le jour viendra toquer. Demain matin peut-être, tu seras là à mon côté. Alors j'oublierai le château où je passe mes nuits. Nous irons devant un tableau rêver dans une galerie. De cette croûte vers une bâtisse interdite s'embrumera une route qui nous entraînera dans sa fuite. Et au fond de cette croûte vers une bâtisse interdite s'embrumera une route qui nous entraînera dans sa fuite, qui nous entraînera dans sa fuite.